Ma vaccination Covid et ses conséquences. Aujourd'hui, avec Sean d'Amérique. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Sean Stelton et j'existe réellement. Et malheureusement, tout ça est la réalité. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de passer en direct devant une caméra sur Facebook pour montrer à tout le monde ce que mon corps subit chaque heure où je suis éveillée, toute la journée. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui regardent cette vidéo, ainsi que ma famille et mes amis qui se sont tournés vers moi et qui prient. C'est la seule chose qui compte désormais, je pense. Lundi, je ne sais pas ce qui arrive à mon corps. Bonne question, autant pour moi que pour vous. Mais je sais que lundi, j'étais quelqu'un qui fonctionnait parfaitement, sans aucun problème médical. J'étais tous les jours au travail. Je suis aide-soignante depuis 25 ans et j'aime mes patients, j'aime mon travail. J'ai reçu le vaccin Covid Moderna le 4 janvier. Le mardi, j'ai eu de légers symptômes semblables à ceux de la grippe. Je suis allée au travail avec un petit mal de ventre et un peu de diarrhée. Le mardi, des symptômes normaux semblables à ceux de la grippe. Le mercredi, je me suis sentie mal. Je n'ai pas pu aller travailler. Ma langue a commencé à avoir des spasmes incontrôlés. Le jeudi matin, j'ai eu des crises et des convulsions dans tout le corps. Quand je suis énervée, ça devient encore pire. Mais une journée typique pour moi en ce moment, voilà à quoi ça ressemble. J'ai même eu deux séries d'examens médicaux. Vous voyez à quel point les mouvements de mon corps sont incontrôlables. Et je sais que j'ai beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup d'entre vous sur Facebook sont vraiment méchants. Je n'ai pas demandé ça. Si vous vous réveillez un jour et que votre monde s'est effondré et que tout est à l'envers et que personne ne vous aide, je n'y comprends rien. Ça n'a aucun sens pour moi. Je peux marcher, mais mes jambes ne font que flageoler. J'essaye de rester positive. Je plaisante et je suis sûre que beaucoup d'entre vous seront jaloux du fait que j'ai de meilleurs mouvements de danse que vous lorsque je suis debout. Mais quand je dis ça, c'est juste que j'essaye de rester positive. Demain, je vais aller dans l'est du Kentucky pour recevoir un traitement par électrochoc. J'apprécie les prières de chacun. Tu peux m'aider à me lever et à marcher? Je suis totalement épuisée. C'est tellement épuisant quand ton corps fait des cabrioles tout le temps. Mais c'est le cas et je ne sais pas comment prouver autrement que j'existe réellement. Je vous remercie pour vos prières et rien ne peut me convaincre que ce n'est pas dû au vaccin Moderna. Sur la plateforme internet indépendante vetopedia.org, vous pouvez publier vous-même des cas de dommages liés à la vaccination. Utilisez également cette plateforme indépendante pour faire connaître au public les cas de dommages causés par la vaccination dont vous avez connaissance.